Bienvenue au premier épisode de Magic 101. Je me présente, je suis Guillaume Poulain, je vais être votre animateur. Et je présente également mon co-animateur, Renaud Lerino Giraldo. Salut Renaud. Bonsoir les sportifs. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Écoute, je suis vraiment content de commencer cette balado-là. Ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Je trouve que la scène québécoise, francophone, avait besoin d'une plateforme pour, je pense, apprendre à connaître la communauté de Magic francophone, pour essayer de juste parler de Magic, puis éventuellement peut-être aider les gens qui jouent à, je sais pas, rentrer en contact les uns avec les autres et éventuellement créer une communauté de partage pour apprendre à connaître encore mieux le jeu qu'est Magic the Gathering. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis son maître et il est mon poulain. Et voilà, je suis mon poulain. Non, j'aurais aimé. Mais en fait, je vais quand même prendre le temps un peu de distinguer nos rôles. Moi, dans la balado, je vais être l'animateur, en fait, parce que j'ai pas la prétention d'être le meilleur joueur de Magic du Québec, loin de là. Je suis plus un passionné de Magic. Moi non plus, en passant. Non, il y a ça, mais quand même, Renaud, si je peux me permettre, tu vas quand même amener un côté plus analytique. Quand même, tu connais bien la scène compétitive, et je pense que c'est ça que tu vas peut-être pouvoir amener à la balado. Moi, j'ai essayé d'amener un côté plus de passion, d'animation, puis d'apprentissage, parce que moi, je vais être là aussi pour apprendre de toi, puis aussi de nos invités, parce que dans la balado Magic 101, un de nos buts, c'est de faire connaître les joueurs du Québec. Et donc, on va essayer le plus régulièrement possible pendant les épisodes d'avoir un joueur invité. Mais on prend, avant de commencer notre épisode officiellement, peut-être un moment pour parler de nos objectifs, Renaud? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois que la balado s'appelle Magic 101 et c'est pas pour rien. Il y a l'aspect apprentissage qui est assez évident, les cours 101, etc. Mm-hmm. Mais je ne sais pas si vous voyez ce qu'on essaie de faire, Québec, mais la loi 101, c'est une chose, et c'est le jeu de mots. Moi, j'adore le jeu de mots. Ouais. Magic 101, c'est un de nos objectifs, faire ça en français, et on l'espère dans un français de qualité. Donc, ouais. Mais on a peut-être une petite précision à apporter au sujet de la langue française, parce que toi et moi, Renaud, on est, je pense, relativement soucieux de notre du français que l'on parle, que l'on écrit. Mais Magic est un univers un peu particulier. Explique-nous ça. Oui, ben par exemple, il y a des créatures qui sont toutes rampes, et puis d'autres créatures qui volent. Mais ouais. Ça se peut qu'on dise qu'elles ont le trample et qu'elles volent, qu'elles sont flying. Ouais. Mais c'est des tics qu'on prend parce que toutes les cartes sont en anglais et qu'on n'a pas vraiment le choix pour se comprendre entre joueurs d'utiliser les termes qui sont écrits sur nos cartes. On s'excuse à l'avance ouais. Marie-Ève de Vigny. Et si avec le temps, on finit par développer un vocabulaire différent pour Magic, bien ce sera ça. Mais pour l'instant, ça va être notre zone grise où les anglicismes vont être présents. Mais peut-être qu'avec le temps, ça changera, mais depuis toujours qu'on joue à Magic avec des cartes, exactement, où tout est écrit en anglais, ce qui se fait autour de Magic en ce moment, c'est beaucoup en anglais. Si on écoute les émissions qui en parlent, on va parler de draft, on va parler de sealed, on va parler de two drop. Donc, ça se peut qu'on ait un vocabulaire un peu anglais, mais bon, hein, on va essayer d'éventuellement peut-être changer ça. Sinon, ben, on va espérer que ça vous choque pas trop. Donc, Renaud, on est prêt, je pense, pour commencer ce premier épisode pour vrai de Magic 101 avec la personne qui nous écoute. Puis cette personne-là, en fait, c'est notre invité. Donc, il y a vraiment une personne autre que nous qui écoute. C'est incroyable. Il vient tout juste de se reconnecter, d'ailleurs. Ah ouais, excellent. Parce on qu'il lui souhaite la bienvenue. On souhaite la bienvenue. Je prends quelques instants pour le présenter. Donc, on a pour vous cette semaine un joueur invité qui est de la communauté de Sherbrooke. Je vais apprendre à me connaître avec vous parce que je l'ai côtoyé en allant jouer dans certains magasins de la région. J'ai tout à apprendre de notre invité qui s'appelle Maxime Bélanger. Je ne sais pas si Max, tu es de retour avec nous. Salut Max. Salut, salut. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation un peu dernière minute. Ça me fait grand plaisir de t'avoir parmi nous. Je commencerai simplement par te demander un peu ta petite histoire de Magic, comment tu as commencé à jouer et comment ça a pris peut-être plus de place éventuellement dans ta vie? Ben, moi, j'ai commencé à jouer à Magic, j'étais au primaire. Je jouais aux cartes Pokémon avant, puis c'est un de mes amis qui avec qui je jouais dans le fond aux cartes Pokémon qui un jour au lendemain est arrivé avec « Hey, j'ai trouvé un nouveau jeu, regardez ça, on essaye ça ». Fait qu'on a commencé à jouer à Magic comme ça, il nous a montré à jouer les bases. C'était dans le temps de Judgment que j'ai commencé, puis là j'ai joué pendant, je vous dirais peut-être un 4-5 ans là, de manière vraiment des cartes pas sleevées dans le gravel un peu là. Ouais, on connaît tout ça. Fait que c'était pas très, c'était loin de penser que je m'en allais compétitivement parlant avec ça là. C'était juste un petit plaisir comme ça. Puis c'est vraiment quand j'ai déménagé à Rimouski que là j'ai plus commencé à côtoyer la boutique, j'ai commencé à faire des tournois un peu standard. J'ai commencé à regarder des listes sur Internet, puis à commencer à fouiller un peu plus pour essayer de, t'sais, de faire des tournois, puis pas juste y aller pour jouer pour le fun. Là. Yeah. Puis, dans le temps de Gatecrash, non, c'est pas vrai, pas Gatecrash, je me trompe, Guildpack, yeah. On mélange deux autres, que j'ai gagné mon premier tournoi standard ever là, que j'ai gagné. Là. J'ai joué à une espèce de deck de gruel aggro avec des Might of Oak. Ça me semble gagnant. Et, c'était des belles choses. Et finalement, donc là, tu commences à jouer compétitif, tu gagnes un tournoi standard. C'était à quel niveau ce tournoi-là? Oh, c'était peut-être une quinzaine de personnes, un tournoi local. Okay. Je donnais une idée à Rimouski, on avait un tournoi par deux mois peut-être, là, si on était chanceux. Là. Okay. Pas de Friday night, pas vraiment d'événement. Fait que c'était pas, ça aidait pas beaucoup les gens à pousser plus loin. Okay. Puis c'est vraiment comme quand j'ai commencé à jouer dans mon cercle d'amis, un de mes amis qui jouait beaucoup vintage. Puis là, on a commencé à aller faire des 1K vintage à Québec, puis ces choses-là avec les CQV, puisqu'il y avait des proxys ou les 1K legacy. Puis c'est vraiment là comme ça que j'ai commencé à fouiller pour faire des gros tournois, là, monter à Québec, puis aller faire justement là, les CQV avec les proxys. C'était quand même assez intéressant. Là. Okay, c'était parfait. Des tournois vintage, tout ça. Et donc, à quel moment tu es arrivé à Sherbrooke, puis est-ce que ça a été un moment tournant aussi pour Magic ou ça a été plus une continuité? Ah, ça a été un très gros tournant, en fait, je te dirais. J'ai commencé à la première année que je commençais à venir à Sherbrooke, une fois comme par mois à peu près. Fait que j'ai commencé à faire quelques FNM une fois de temps en temps au GLP, au Griffon, quand que je passais pour juste comme venir jouer à Magic quand même, puis découvrir un peu la nouvelle communauté, parce que je savais que j'allais m'en venir à Sherbrooke l'année d'après, que j'allais déménager ici. Fait que, commencer à connaître les joueurs un peu. C'est vraiment là, quand on a commencé à faire, j'ai connu dans le fond Renaud, Philippe, tout le monde qui faisait plus d'événements, tu sais, j'ai commencé à comprendre c'était quoi les grands prix trial, les Pro Tour Qualifier. Ça, j'avais aucune idée que ça existait avant même d'être à Sherbrooke. Et exactement, et c'est un peu ça qui, pour moi, en tout cas, notre balado, Renaud, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est un peu ça que je pense qu'il but aussi pour nous, c'est de démystifier un peu toute la structure de Magic, parce que je t'entendais tantôt, puis pour des joueurs aguerris comme vous, vous parlez de trucs comme si c'était la base, tout le monde sait ça. Il y a mentionné tantôt le CQV, là, si je ne me trompe pas, c'est le championnat québécois vintage qui existait dans le temps et qui n'existe plus. Mm-hmm. Et le 1K, par exemple, c'est une formule qui est souvent utilisée, on parle beaucoup de ça. Qu'est-ce que c'est le 1K exactement? C'est un tournoi, dans le fond, avec 1 000 $ en prix au top 8 en argent. Mais okay. En fait, en argent, façon de parler, là, vu qu'au Québec, on ne peut pas vraiment. C'était, dans le fond, 1 000 $ de crédit magasin répartis au top 8 selon les standings. Oui, c'est ça, parce qu'au Québec, à cause de l'Auto-Québec, on ne peut pas donner des prix en argent comme ça, à moins de faire affaire avec eux. Super. Et donc, si tu avais, dans quel format peut-être tu as commencé à le plus t'émanciper puis que tu as fait les meilleures performances? Dans le fond, je te dirais que le fait de jouer les CQV comme ça, il y avait quand même des gros prix aussi. Mon premier gros tournoi en tant que tel à Québec, c'était la finale du CQV où que, il y avait un side event. Moi, j'étais pas dans les finalistes. Là. C'était comme le premier deuxième événement que je faisais. Mm-hmm. J'avais pas de points dans leur saison, mais j'ai fait le side event puis j'ai dans le fond, j'ai splitté en finale. Il y avait une librairie d'Alexandria comme premier prix. Là. Solide. Il jouait une espèce de deck plein de combos. Là. Time Vault et compagnie avec Lotus, Ariok, Salvageur, une sorte de choses comme ça. Là. Fait que là, vous avez splitté le prix, donc vous avez déchiré la librairie. Ouais, chacun de moitié. On est parti chacun de moitié. C'est une bonne idée. Non, sérieusement, le prix était, dans le fond, Il y avait aussi un bon d'achat pour le deuxième en tant que tel. Okay. Fait que quand on arrive en finale, le gars lui dit, moi, j'ai pas besoin de la librairie. Fait que là, moi, j'ai donné le deuxième prix et une petite balance de cartes pour la librairie d'Alexandria, dans le fond. OK. Et donc, tu es un joueur qui connaît bien les formats éternels, finalement. Les formats comme Legacy, Vintage et même Modern, par exemple. Oui. Ben, je vais t'avouer que le Modern, j'ai vu la création du format là, en tant que tel aussi. Mm-hmm. Et, les formats éternels, ben, c'est pas mal ça que j'ai joué le plus souvent dans ma vie. Ben, peut-être pas compétitivement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements, c'est un peu triste, mais c'est vraiment le format qui vient me chercher le plus. Le Vintage, j'ai moins parce que je faisais les CQV parce qu'on pouvait avoir des proxys. J'ai pas le power et rien de ça, mais Legacy, j'ai investi assez tôt dans des duals, puis je regarde pas mal souvent des listes de ce format-là. C'est vraiment un format qui m'intéresse et que j'adore plus au point. Ben, ça tombe bien, c'est notre sujet du jour, mais avant de passer à ça, je vais quand même en profiter parce que je sais que tu as quand même un fait d'arme important dans ta carrière. J'ai su ça, moi je suis la communauté Magic de Sherbrooke en périphérie, et si je me trompe pas, t'es un pro. Du moins, t'as été pro. Ouais, on peut dire ça, dans le fond. C'est sûr, j'ai participé à un pro tour. Ah, voilà. Si c'est tout ce que ça prend pour être qualifié pro, on peut dire oui. Ben, pour moi, c'est ça. Ouais. Il y a d'autres personnes que je connais, on s'entend, qui font des top 8 de pro tour qualifier très souvent, puis qui n'ont jamais gagné d'invitation, mais je peux quasiment les considérer des fois meilleurs même joueurs que moi là, dans certains formats. Là. C'est sûr, certain. Là. Il y a pro, je trouve que c'est un mot un petit peu utilisé. Tu sais, je suis pas le famer, rien de ça. Là. Ça, c'est des vrais de vrais pros. Ouais, je comprends. Ok, fait que dans le fond, tu fais la distinction entre être pro comme quelqu'un qui gagne sa vie avec Magic et, disons, quelqu'un qui se qualifie pour le Pro Tour une fois, qui a un niveau de jeu très élevé, mais qui n'est pas nécessairement un pro de Magic. Ouais, c'est ça. Excellent. Renaud, là-dessus, as-tu des idées? Es-tu d'accord avec ça? Ben moi, je suis d'accord avec ça. De toute façon, les pro tours, il y en a plusieurs qui disent que c'est même pas professional tour, là. C'est le promotional tour pour faire de la promotion. Ouais. Surtout Michael Jacob qui dit ça en fait sur son stream. Il dit tout le temps c'est pas le tour professionnel, là. C'est le promo. C'est pour faire la promotion pour Wizards de mettre en lumière leur dernier. Puis, surtout depuis que c'est directement associé avec un nouveau set, une nouvelle sortie de série, on met tout de suite le Pro Tour là pour montrer les nouvelles cartes aux gens et les faire saliver. Fait que, ouais. Et là-dessus, Max, toi, c'est quoi ton point de vue? Est-ce que le Pro Tour pour toi, avec ton expérience, comment tu as vécu ça, aller au Pro Tour? Est-ce que tu sentais que c'était une scène ultra compétitive et qu'il y avait vraiment une grosse marche comparativement à ce que tu avais vécu avant, ou le niveau de jeu était similaire? Comment tu as vécu ça? Ah, c'était une méchante marche, je pourrais dire, là. Le niveau de jeu en tant que tel est très élevé. C'est sûr que l'expérience en tant que tel de juste comme voyager aussi, c'est à l'extérieur, puis t'es dans un autre environnement. Il y a du monde d'un peu partout, là. C'est vraiment intéressant, des fois, juste de chaser avec du monde qui vient complètement de l'autre bout de la planète, mais qui font la même affaire que toi, là. Ils jouent un jeu que t'aimes, puis qu'eux autres aussi aiment, là, sinon ils seraient pas là. Ben ouais, puis toi, c'était où ton... C'est à San Diego. OK. Comment ça fonctionne, Wizards? Qu'est-ce qu'ils t'offrent quand tu gagnes une qualification pro tour? Ben, dans le fond, ils t'offrent le billet d'avion, là, complètement. Okay. Tu n'as pas besoin de payer ton transport pour y aller en avion. Aussitôt que tu as, dans le fond, tu as gagné ton invitation et tout ça, tu as des démarches à faire après auprès de Wizards. Tu envoies, ça se fait tout par email ou par téléphone. C'est assez, quand même assez simple. Tu es très bien suivi. Moi, ça n'a pas été long. À peu près une semaine ou deux, je me suis ramassé en email, 2-3 emails, elle m'a dit, t'as juste à regarder avec quelle compagnie aérienne tu veux faire, quel voyage, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire comme transfert et tout et tout. C'est un peu toi qui setup ton propre voyage, puis eux autres, ils font juste te dire, ok, c'est beau, tu les envoies la commande que tu fais, puis eux, ils vont te le prendre pour toi. Là. Ah ouais, ok, c'est quand même bien. C'est vraiment bien organisé pour ça. Et là-bas, c'était quel format t'as joué? C'était Bloc Construit. Ok, ouais, quand même. Et c'était Terros? Non, c'était le bloc de Return to Ravnica avec les trois sets Dragon Maze, Gatecrash et Return to Ravnica. Ça, c'était un format quand même pas évident, en tout cas à drafter, moi j'ai trouvé. En bloc, ça avait l'air de quoi? C'était, ma foi, j'étais pas prêt à ça. Ouais, c'était vraiment un drôle d'environnement, ça. Mais on a essayé de l'aider du mieux qu'on pouvait, mais ça a été quand même un petit peu difficile parce que Ah, le format n'était pas intéressant. non, le hein? format était difficile à saisir, puis il t'a pas d'informations pour le proto. Tu as très peu d'informations. Donc, faut être capable de repérer ce qui est bon puis ce qui est pas bon par soi-même. T'as pas de liste de Magic Online ou d'autres choses comme Ouais. ça. Il y avait Magic Online, quoi. La sortie de Dragon Maze est arrivée une semaine avant le proto. T'es parti le mercredi, puis le set était sorti comme le samedi là, sur Magic Online. Fait qu'il y a eu comme 3 4 jours où est-ce qu'on a eu un semi-information pour le préparer. Puis il fallait qu'il ramasse les cartes du nouveau set aussi, là, Ah ouais. Est-ce que de tu as eu de Dragon l'aide, Maze. est-ce que tu as eu de l'aide justement de compagnons de jeu, de certains magasins? Comment tu t'es organisé pour vraiment bien te préparer? Ah oui, ben c'est sûr que je vais t'avouer qu'au niveau du groupe de jeu, on était un bon 4-5 joueurs là, qui m'aidaient vraiment plus. C'est surtout, on a beaucoup mis l'accent sur le format draft parce qu'on s'entend que c'est bloc et draft aussi. Fait que tu sais, les drafts, je pense qu'on en a fait pour moi une dizaine avant que je parte. Ouais. Ça a vraiment été de quoi être payant parce que je te dirais qu'en draft, je savais un peu où est-ce que je m'enlignais. Mais au niveau du construit, c'était une autre histoire, là, comme Renaud il a dit. On n'avait pas d'informations sur quel deck, qu'est-ce qui aurait pu sortir, ça donnait des nouvelles portes aussi avec les nouvelles cartes. Aucune idée qu'est-ce qui va sortir, comme le deck de Maze End. Bon, OK. avant d'arriver dans la salle du proto, j'avais jamais vu ça. J'avais aucune idée ce que ça allait faire, ce deck-là, là. Ouais, tu peux pas être prêt à ça, là, de turbo fog comme ça, c'est dur à C'est prévoir. Et très dur à prévoir, ouais. qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Est-ce que ça va être comme une fois que tu vis un proto, est-ce que pour toi c'est un accomplissement de vie, puis après ça, tu peux plus aller aussi loin ou ça t'a motivé à te dépasser encore plus? Comment tu as vécu ça, vivre cet accomplissement-là finalement? Je te dirais que ça donne encore plus de motivation d'y retourner. C'est OK. vraiment une belle expérience, là, c'est sûr. Puis en plus, de la manière que tu arrives là, puis il n'y a pas d'animosité vraiment entre les joueurs en tant que tels. Là, c'est sûr, tu sais, j'ai pas fait le jour 2, puis la deuxième journée, il y avait des drafts toute la journée organisés par Wizard, les judges qui étaient là. Puis c'était assez simple, j'ai drafté avec des Français, des Japonais, des Suédois, n'importe qui, là. Il y avait plein de gens. T'arrivais avec du monde, hey, on cherche 3 personnes pour drafter. OK, une, deux, trois, c'était pas trop long, on draftait, puis on se faisait du fun, on était là pour vraiment pour. Ben, c'est ça, pour se faire du fun. On était plus dans la scène compétitive en tant que telle. Puis ça fait des contacts des fois aussi. Te permettre que moi, je me suis ramassé avec un gars de Montréal que j'avais pas vraiment vu avant, que lui aussi, il avait gagné un PTQ, il connaissait pas vraiment personne. Puis on a profité pour passer un peu de temps ensemble aussi, là, prendre une bière le soir, puis c'est vraiment chill, c'est vraiment fun. Ouais, fait que tu rencontres des gens qui ont évidemment un point commun avec toi, fait que ça peut être bien intéressant. Puis avant de faire peut-être une fermeture pour notre entrevue, mais si ça te tente de rester avec nous, ensuite on va parler de Legacy, puis j'aimerais ça avoir justement, puisque c'est un format que t'aimes beaucoup, pouvoir embarquer dans la discussion avec Renaud et moi sur ça. Je ne sais pas si ça tente de rester avec nous après Ah, l'entrevue. il n'y a pas de problème, je vais rester avec vous autres, c'est sûr. Excellent. Dans le fond, je m'en viens pour te demander quand tu as vécu un proto puis que tu reviens ici après, qu'est-ce que tu as le goût de ramener du proto, puis qu'est-ce que tu veux un peu partager au monde autour de toi? En fait, c'est parce que je me rends compte que la scène québécoise est relativement peu connue. Les joueurs mettons, les joueurs qui performent bien, bon, ils peuvent être plus connus, par exemple, il y a certains noms qui me viennent en tête, mais toi, est-ce que tu sentais que tu avais quelque chose à rapporter aux joueurs autour de toi une fois que tu as vécu le proto, une espèce d'expérience que tu pouvais partager? Ou pas tant, tu sentais que c'est quelque chose de très individuel, puis après ça, ben, c'est comme. C'est que le fait de pas avoir été, dans le fond, d'avoir été comme en tant que tel tout seul, pas d'autres personnes, pas d'équipe en tant que tel de monter pour y aller, c'est un peu plus difficile de penser à comme justement les nouvelles affaires qui sortaient puis tout ça. Puis je te dirais que si mettons une X personne dans notre groupe de joueurs ou même dans un groupe un peu plus large, comme tu dis, des joueurs au Québec en général se qualifieraient. Il faudrait penser des fois à mettre les idées ensemble, là, pas juste faire ben là, c'est parce qu'il vient de Montréal, on va pas l'aider en même temps. Mais c'est ça exactement. parce que Renaud, on parlait de ça, puis quand on a commencé à parler de la balado, on s'est dit, bon, ben, on va inviter des joueurs québécois pour essayer de les faire connaître, puis essayer de réseauter, puis finalement, tu sais, il n'y a pas un si grand réseau de joueurs qui se parlent, qui échangent. Est-ce que c'est un manque, selon toi, au Québec, qu'il y ait peut-être des équipes qui se forment, même si c'est pas des équipes professionnelles, mais une espèce d'équipe, une communauté de joueurs, je sais pas. Est-ce qu'il manque quelque chose, à ton avis? Ben, c'est sûr que le fait de mettre des idées en commun, ça pourrait aider beaucoup. Là. Okay. Comme, je pense juste comme par exemple, je trouve que dernièrement, en tant que tel, la communauté de Sherbrooke puis de Québec, on se parle beaucoup plus que ce qui se passait avant. On se voit dans les événements quand on va à l'extérieur, comme par exemple aux États-Unis et tout ça. Puis il y a moins de. Il y a une moins grande rivalité qu'avant. Okay. Juste comme si je prends la dernière année comparativement à l'année passée, parce qu'il y avait beaucoup plus de rivalité entre les petites cliques, là, ben là, vous venez pas de la même ville, mais il faudrait peut-être essayer de couper les ponts de ça, puis juste le voir plus comme un, on est une équipe de joueurs du Québec, pas juste d'une ville. J'aime beaucoup cette idée-là, je te dirais. Et mais moi, si je peux rajouter quelque chose, certainement. Je trouve que les anglophones se sont dotés de Mana Deprived, puis autour de Carl Jungton se sont réunis, John Stern, Alexander Haim, mais on dirait que le CIMAP, il y a quelques joueurs francophones qui ont gravité autour de ces gens-là, mais le gâteau n'a jamais vraiment levé avec les joueurs francophones, puis il y a quand même un noyau de talent là, qui mériterait de se voir bonifier avec des initiatives comme ça, comme Maxime a dit, parler plus avec les gens de Québec, puis partager les informations, parce qu'autant eux que nous avons à gagner de ces informations-là, je pense. Puis ben, j'en profiterai justement pour faire notre transition vers en fin de semaine prochaine. En fin de semaine prochaine, à New Jersey, on a un Grand Prix avec un format qui est assez rarement donné dans les Grands Prix, qui est Legacy. Et il va y avoir, j'imagine, un bon bassin de joueurs québécois, francophones. Renaud, peut-être tu pourras m'aider là-dessus, qui vont se déplacer à New Jersey pour aller jouer. Oui, d'ailleurs, je vais essayer de prendre des clips avec eux durant la fin de semaine du Grand Prix, entre les rondes. Ça nous fera quelque chose à faire. Ben oui, c'est bon. Avant, je veux juste, écoute, Maxime, je sais que, vu que tu restais avec nous, j'ai comme pas pris le temps de te remercier, mais merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci pour cette petite entrevue. C'est vraiment très gentil de ta part de prendre du temps pour faire ça. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc, justement, si on y va très concrètement, disons de Sherbrooke, Renaud, qui part pour aller au Grand Prix de New Jersey? Vous êtes combien de joueurs? 5-6? En fait, là, on s'est arrangé une voiture, je crois, pour l'instant. Donc, il y a Maxime, Nicolas Bélan, Maxime Bélanger, justement, Philippe Asselin et moi-même, qui allons descendre. De Québec, probablement que Pascal Ménard et sa troupe seront de la partie aussi. Puis de Montréal, ben là, la panoplie qu'on connaît de Mana Deprived risque fortement d'être là. Mais de Sherbrooke, je crois qu'on est les seuls. Mais d'ailleurs, je pense qu'à Sherbrooke, le noyau de joueurs Legacy tourne pas mal autour de Philippe et Maxime. Là. OK. Ouais, c'est des joueurs. Alex Grégoire aussi. Mm-hmm. Des joueurs qui jouent depuis longtemps, parce que Legacy, c'est un format qui inclut à peu près toutes les cartes de l'histoire de Magic, sauf les choses cassées qu'on voit juste en vintage, comme le Power. C'est tout ça. Et on prendra peut-être une seconde, on se réfère souvent au Power dans cet épisode-là. Peut-être juste me rappeler, Renaud, je vais faire comme si je ne savais pas ça. Qu'est-ce que le Power? Power 9, Black Lotus, les Mox, Time Twister, puis Ancestral Recall. Mm-hmm. Ancestral Recall. Ancestral Recall. On y reviendra. Mais ouais. Qui a fait une petite apparition à Legacy, justement. Quasiment. Ouais. Et puis, j'en oublie une. Time Walk. Oui, Time Walk. Et donc. Ces cartes-là sont bannies en Legacy. Soul Ring aussi, qui est comme le dixième. Là. Voilà. Donc, Legacy comparativement à Vintage. Mais tu as quand même besoin de vieilles cartes, comme les Dual Lands de la série Revise. Puis, un paquet de vieilles cartes que tu trouves nulle part, de marques de masse et d'affaires. C'est ça. faut que tu aies une collection déjà pour être capable de jouer à Legacy, presque. Puis Maxime, puis Alex Grégoire, puis moi, ça fait longtemps qu'on joue. Ça nous a permis d'avoir ces cartes-là, à moins que tu sois comme Nicolas dedans puis que tu dépenses une fortune. Pour avoir la Legacy dans ce temps-là. Et c'est quoi le. Qu'est-ce qui vous pousse à aller faire. C'est quoi, c'est un bon 6h30, 7h de route? C'est quoi, pourquoi un Grand Prix, c'est si attirant pour des joueurs comme vous? Pourquoi vous déplacez jusqu'à New Jersey? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est quoi qu'est-ce que vous pourriez avoir grâce à un Grand Prix, par exemple? C'est le plus haut niveau de compétition disponible avant le Pro Tour. On parle d'un tournoi qui va avoir entre 2000 et 3000 joueurs la fin de semaine prochaine. Donc, juste pour ça, l'ambiance et tout ça, c'est assez incroyable. Puis, moi, j'ai jamais fait de jour 2 encore, malheureusement. Mais le dimanche, j'en profitais pour faire des échanges. Puis, que tu trouves nulle part ailleurs, que tu peux pas trouver, même des fois que tu peux même pas trouver sur Internet, tellement c'est Il y a tout. C'est ça. Parce que Magic, en plus d'être un jeu compétitif, c'est évidemment un jeu qu'on peut juste collectionner. Il y a des joueurs, il y a toute une communauté de joueurs qui, en fait, font plus comme de la spéculation, puis ils collectionnent plus qu'ils jouent, finalement. C'est un autre aspect. La semaine prochaine, Grand Prix New Jersey, une raison de plus pour y aller, amenez vos Basic Land Unhinged, parce que John Evan fait une apparition au Grand Prix pour une des rares fois. C'est rare qu'on voit cet artiste-là et il va pouvoir signer les cartes. C'est quand même assez incroyable de pouvoir voir les artistes aussi. C'est très intéressant. Mais ouais. Plein de paquets d'affaires qui fait que les Grands Prix, ça vaut la peine de se déplacer. Super ça. Et donc, là, on parlait du format qui est Legacy. Tu nous as parlé un peu, format éternel. Il y a une liste de cartes bannies. Mais... à Magic, il y a quelque chose qui définit un peu le jeu et c'est le concept de metagame. Donc, la metagame qui est finalement un jeu dans un jeu, au sens même un jeu au-dessus d'un jeu, et qui est défini par les decks les plus populaires. C'est un peu ça finalement, là, qui finit par régir un format. C'est ces decks qui sont les plus dominants. Oui, bien, le fait qu'un deck puisse te tuer tour 1 avec des Dark Ritual, puis. Faire un tuteur, puis te tuer avec Tendril Stover si tu fais rien, fait en sorte que ceux qui veulent jouer plus de la manière plus... fair game, la fameuse fair game. Ouais, je sais pas comment... Qui voudraient être... qui veulent pas jouer des combos qui peuvent tuer tour 1, mais qui veulent tuer avec des créatures, doivent être capables de réagir à ce genre de choses-là. Puis Force of Will, c'est vraiment une carte qui est nécessaire à cause des combos qui sont créés par la quantité de cartes est phénoménale qu'il y a en Legacy. Donc, le jeu, on ne peut pas jouer n'importe quoi. Tu es comme obligé de faire un choix dans ton deck. Tu es limité. Si tu veux jouer un combo, tu peux jouer combo. Si tu ne veux pas jouer combo, il faut que tu joues des forces de foule. Tu es quasiment obligé. Il faut que tu aies une façon de pouvoir réagir au deck combo à Legacy. Ça tourne beaucoup autour de ça. Okay. Puis il y a un deck contrôle qui fait des miracles. OK. donc, écoute, je pense que ce qu'on pourrait faire, on va essayer de structurer notre discussion. Ce qu'on va faire, on va donner une idée, puisque la metagame s'est définie un peu par les decks qui sont récurrents, qui reviennent et qui peuvent être dominants s'ils ne sont pas gérés. Si on partait d'une, disons, une liste un peu arbitraire, mais d'un top 5 des decks qui peut-être sont les plus représentés en Legacy, et qu'est-ce qui implique dans le plan de jeu, eux, pour gagner, puis aussi peut-être comment réagir contre ces decks-là. Fait que je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait faire, Renaud. Peut-être commencer une petite liste de top 5 des decks Legacy qui sont les plus représentés et qui définissent le format. Ben, en ce moment, tout dépendant si on prend Magic Online ou les tournois en papier, Delver of Secrets, qui est la créature d'Innistrad, vient en premier ou en deuxième place. Puis ensuite de ça, il y a Mirab. Ben, Delver, c'est un deck de Brainstorm et de Force of Will qui tente de mettre quelque chose qui coûte vraiment pas cher en jeu, d'Elvenor Secret, ouais. Ou Young Pyromancer, puis ensuite de ça, de contrôler le jeu avec des Wastelands ou avec Force of Will Days, des cartes qui coûtent pas cher, mais qui permettent de protéger le Delver, puis de tuer avec ça. Okay. Et, des fois, finir ça avec des Lightning Bolt ou du Chain Lightning, des choses comme ça. Okay. Miracle, lui, il veut que la partie dure le plus longtemps possible. Il va jouer Sensei Devanita, puis il va contrôler ce qui va piger, puis finir par gagner la partie avec soit un genre que le sculpteur de ou avec une grosse traite d'ange, Entry the Angels. Ah ouais, okay. Miracle. Donc, et là, le but, c'est d'essayer de... On place les cartes dessus de notre deck, puis on essaie de sortir... miracle. Ouais. Un miracle. On veut faire un miracle. Okay. On se prend pour Jésus. Fait que là, et ça, selon toi, ces deux decks-là sont dominants? Ben, ces deux decks-là, c'est les decks les plus représentés en ce moment. Okay. Pour Delver, on parle entre 15 et 20 % là, selon où on regarde. Okay. Juste pour donner une petite idée... 15-20 % là. Wow. Juste pour donner une petite idée comme ça, j'ai suivi un petit peu le Open d'aujourd'hui sur Star Citizen. Il y a trois bleus-rouges Delver dans le top 8. Ouais, c'est ça. Mais j'ai remarqué, il n'y a pas de Miracle. Il y en a un qui s'appelle... bleu, rouge, miracle, mais c'est pas vraiment là avec les entries et tout ça. Là. C'est juste qu'il y a comme, il y a Sensei Divining Top et. Counterbalance. Ouais. Avec Sensei Divining Top et Counterbalance, t'es capable de contrôler ce que ton adversaire fait avec à peu près n'importe quoi. Parce que Counterbalance, tu révèles la carte sur le dessus de ta librairie. Si ça a le même coup de mana que le sort que ton adversaire y joue, tu le comptes. Mm-hmm. Tu es capable de faire beaucoup d'avantages avec ça. Je sais pas, j'ai pas vu cette liste-là, mais j'imagine que si tu joues juste Counterbalance puis des Sensei Divining Top, tu as déjà comme quelque chose d'assez puissant. Là. C'est pas tant le Entry of the Angels que cette façon de contrôler là, la partie qui fait en sorte que ce deck le gagne. Ouais, c'est vrai que l'entry, dans le fond, c'est juste pour finir la partie, mais il y a plein d'autres manières de finir la partie. Là, c'est ça, mais le fait de jouer blanc te donne accès à d'autres cartes pour ton sideboard, comme Rest in Peace ou... Et la nouvelle carte Flash, là j'ai pas le nom par cœur, mais elle coûte un colorless, un colorless, je sais même pas c'est quoi colorless en français, un colorless, un blanc, et c'est une 2-2 Flash. Oui, justement, ça risque d'avoir, ça s'appelle Containment Priest, ça risque d'avoir un effet assez intéressant sur la metagame parce que si une créature rentre en jeu, qui n'est pas un token, si elle rentre en jeu puis que son propriétaire ne l'a pas casté, n'a pas payé du mana pour le mettre en jeu, est exilé. Voilà. Donc, ça l'enlève Show and Tell, qui essaye de mettre un Miracle en jeu en payant trop de mana. Ouais. Ça l'enlève Elf, qui essaye de faire Natural Order pour mettre un Progenitus en jeu. Ça l'enlève un paquet de Dredge. Okay. Ça va avoir une influence sur ça, c'est sûr et certain. Okay. Ça rend ces decks-là, ça donne une très bonne carte de sideboard contre ces decks-là. Donc, déjà, qui sont sous-représentés en ce moment, ils vont prendre un coup supplémentaire. Je ne sais pas si Maxime est d'accord avec ça, là, mais je pense qu'ils vont prendre un coup supplémentaire à New Jersey, là, que les gens ils vont peut-être décider de jouer Delver ou un autre deck, un deck combo qui n'utilise pas de la réanimation, en fond. Oui, la réanimation, réanimateur aussi, qui est touché par ça. Donc, ensuite, donc, là, on a bleu-rouge Delver, on a Miracle, ensuite, quel autre? Un autre deck qui n'est pas si représenté que ça, parce qu'il est quand même très difficile à jouer, mais qu'il faut que tu sois prêt quand tu joues Legacy, c'est Ad Nauseam Tendrils, qui va jouer des Dark Ritual, Get Action Probe, Lotus Petal, qui donne toutes des choses qui donnent du mana, Cabal Ritual, qui est très bon, Et ensuite de ça, va jouer soit Burning Wish ou Infernal Tutor pour aller chercher un Tendrils of Agony, qui est une carte Storm. Puis là, s'il a joué 10 sorts pendant son tour, ben là, il te fait 20 d'en face, puis t'es mort. OK. Fait que ta face, ça se teigne. C'est ça. Fait que si t'as pas de quoi pour réagir à ça, puis il joue des Duress pour enlever tes Force of Will ou des Cabal Thérapie. OK. Fait que si t'as pas de quoi pour, si t'as pas de quoi vraiment solide pour réagir à ça, mais c'est bien souvent tu vas être mort tour 2, il peut te tuer tour 1 s'il y a vraiment une bonne main. Il faut que tu sois capable de réagir. Puis comment tu réagis un deck comme ça? Qu'est-ce que tu prépares dans ton sideboard pour. Ben, je pense que c'est du reste Force of Will, c'est vraiment très bon. Fait que tu vas essayer d'avoir ça. Flusterstorm, c'est vraiment bon aussi pour contrer le Tendrils. Tu peux essayer d'attaquer sa mana. S'il n'y a pas assez de mana pour partir, ben là, il ne sera pas capable de caster toutes ses sorts. Ça peut être difficile. Si tu attaques son graveyard aussi, ça peut être difficile pour lui parce que des fois, il a besoin de Past in Flames pour avoir assez de mana, assez de rituel pour pouvoir arriver à Tendrils. Okay. Tu peux aussi nommer, avec Pitting Needle, nommer Lion's Eye Diamond. Ça peut le couper assez de mana pour qu'il soit pas capable de jouer. Ok, donc c'est un deck quand même. Il s'attaque par différents angles, okay. Mais si tu n'as rien pour réagir, là, c'est sûr que tu perds. Tu peux pas gagner contre okay. Deck-là si tu n'as rien pour réagir. Il va finir par gagner. Puis une fois qu'il part, il gagne dans un tour. Même si tu le tues au prochain tour, c'est fini, c'est trop tard. Il s'en fout. Là. Ok, excellent. Sinon, des cartes qui l'empêchent de jouer plus qu'un sort par tour sont aussi quand même très bonnes contre ce deck-là. Le limiter à un sort par tour, il fait plus grand-chose. Ok. Oh, oui. Ouais, puis là, j'ai une carte en tête. Quelle carte... De Terrasse, il y a Edolon, Vrétoré. Oui, exactement, voilà. Bon, ça coûte un peu cher pour Legacy, mais c'est ce genre d'effet-là que tu veux. Ok. Très bien. Ça va. Ensuite, quel autre deck nous met de la pression en Legacy si on se présente là en fin de semaine prochaine? Quel autre deck? Ben, il y a les decks de Stoneforge Mystique. Ah ouais, oui. Il y a un deck de Delver qui utilise des Stoneforge Mystique aussi, mais il y a aussi Esper Stoneblade. Là. Mm-hmm. Donc, le but, ça va être de jouer Stoneforge Mystique, d'aller chercher Batterskull, puis là, de tuer avec ça, mais c'est à peu près le même principe que Delver. C'est aggro contrôle, fait que tu mets quelque chose qui coûte vraiment pas cher, qui va te gagner la partie comme créature, mm-hmm. Stoneforge Mystique ou Deathrite Shaman, True Name Nemesis qui coûte un peu plus cher mais qui va finir la partie. Mm-hmm. Puis tu te protèges avec des counter spells. Mais là, ça tourne beaucoup autour de ce genre de stratégie-là, d'essayer de mettre quelque chose qui coûte vraiment pas cher en jeu, puis de se rendre à ça. Puis, bon. Il y a aussi Burn, ouais. La brûlure, ça c'est vraiment très bon. Ça. Mais messieurs, ça m'a l'air frustrant comme format. Moi, je joue pas Legacy parce que j'ai pas les dual lands, puis malheureusement, je pense que c'est très difficile d'être compétitif si t'as pas les dual lands, évidemment. Il y a peut-être un deck de gobelins avec juste des montagnes, mais c'est pas un peu frustrant, mettons, tu fais 6-7 heures d'auto, puis là, tu te fais tuer tour 2 par quelqu'un qui met des cartes qui ont pas d'allure. Je sais pas, il y a pas... Comment vous approchez le format, avec quel deck, avec quel angle... Quel angle vous prenez sur ce format-là? Ben moi, je vais t'avouer que pour l'instant, je me suis seté sur un deck, ma foi, pas très populaire, parce que j'aime bien pas suivre la masse et justement créer un effet de surprise un peu chez mon adversaire. Je joue dans le fond ce qu'on appelle Infect. Okay. Si vous avez connu New Phyrexia, les créatures Infect qui font des Poison Counter à la place des points de dégâts normales. Mm-hmm. Donc, dans le fond, j'ai juste besoin de faire 10 dégâts au lieu de 20. Est-ce que j'ai écouté un peu le Open et il y a comment ça s'appelle Tom Ross qui joue Infect, puis il a mis une carte qui a étonné son adversaire qui est Become Immense. Je sais pas, est-ce que tu vas la jouer, Become Immense? Ben disons que le fait de l'avoir vu bien shiner tout à l'heure comme ça m'a vraiment fait envisager la carte. Ah ouais, hein? J'y pensais un petit peu, j'étais un petit peu hésitant. C'était une carte qui me faisait de l'œil, mais je n'étais pas encore convaincu. Mais je crois que j'aurais pas le choix d'en mettre au moins un dans ma pile pour la semaine prochaine. et toi, Renaud, quelle langue tu prends? Quelle langue d'attaque? Mais avant d'aller à toi, Renaud, par exemple, Infect, toi, ton plan, c'est de mettre un... comme toi, par exemple, c'est l'Inkmox Nexus, je pense, qui est comme le fait que c'est dur à gérer parce que c'est un land, c'est ça, le langue? Ouais. Mais dans le fond, le deck, c'est que tu joues, en gros, tu joues 12 créatures avec Infect. Mm-hmm. Tu joues les moins chers et les meilleurs possibles, parce qu'on s'entend, comme on l'a dit, Legacy, ça va très vite. Ouais. Donc, 4 fois le petit elfe qui est 1 pour 1 Infect. 4 fois le Hikmot Nexus, qui est une land, donc beaucoup plus dur à gérer pour certains decks. Mm-hmm. Et 4 fois le Blight Agent, qui est une créature, dans le fond, bleue, donc on peut la passer dans Force of Will quand on est vraiment dans... on est pas, ça va pas bien. Puis, mm-hmm. il est imbloquable, ce qui est quand même aussi très non négligeable. Puis, dans le fond, le reste de la pile, ben, c'est qu'il y a beaucoup de... dans le fond, les Force of Will, des Daze, des Brainstorm, des choses pour pouvoir manipuler son deck puis se protéger. Ouais. Et, dans le fond, la carte qui est, je pourrais dire, qui fait un peu le deck, c'est s'appelle Berserk, qui est une vieille carte qui date de Unlimited, qui te permet de doubler le pouvoir d'une créature puis qu'elle gagne Trample, mais elle va mourir à la fin du tour. Ouais. Puis une carte qui s'appelle Invigorate, qui a été sortie dans Mercadian Mass, qui est une commune, qui en fait fait. Tu peux la jouer gratuitement si tu contrôles une forêt, mais en faisant gagner 3 points de vie à ton adversaire. Okay, ça donne plus 4 à ta créature. Mais on s'entend que les points de vie de mon adversaire, je m'en sers pas vraiment, je m'en occupe pas. Donc c'est un petit peu gratuit pour prendre ma créature 5-5 et ensuite faire un berserk pour faire 10 infect. Le deck infect, il ressemble. C'est un deck aggro. Mais ça ressemble aussi à un deck combo parce que ça sort de nulle part si Invigorate, Berserk, c'est rien pour gérer la créature, t'es mort, c'est tout, ça finit là. Puis c'est quoi la faiblesse du deck Infect? C'est quoi le mauvais fameux match-up d'Infect? Ben, je te dirais que si on joue par exemple contre un deck de Miracle puis il a réussi à installer la Sensei Divining Top et le Counterbalance, environ 80% des cartes de notre deck coûtent 1. Donc, avec ça, il nous tient vraiment à l'aise. Là. On peut plus jouer vraiment de choses. Si on n'a pas déjà quelque chose sur le jeu, c'est quand même assez difficile. Sinon, des decks qui ont vraiment beaucoup de choses pour détruire des créatures, comme par exemple Burn qui joue une trollée de sorts qui font des dégâts. Si on réussit pas à avoir une créature qui reste sur le jeu au moins un tour ou deux, on pourra pas jamais gagner. Là. Okay. Donc, tout ce qui gère nos créatures vraiment trop souvent. C'est pour ça qu'on joue aussi Vines of Vastwood, qui est une carte qui coûte un vert, qui va donner exproof à une créature que l'on contrôle. Ben, pas une créature que l'on contrôle, mais une créature. Puis qu'on peut payer un vert de plus pour donner +4/+4 en plus. Okay. Des fois, cette carte-là peut nous permettre de passer, par exemple, on veut juste passer quelques dégâts avec une créature infecte, mettons, qui fait 2 ou 3 de dommages. L'adversaire veut s'en débarrasser pour prendre, dans le fond, jouer safe. Puis là, nous, en réponse, on le donne exproof et un boost de plus pour prendre l'étal. Là, des fois, ils se font avoir. Là. Ok, ouais. Et toi, Renaud, vers quoi tu te tends pour. En fin de semaine? Attends une minute. Ouais. Si je me trompe pas, moi j'ai vu Tom Ross jouer Vines of Vastwood dans le miroir sur une créature de son adversaire pour contrer le berserk de son adversaire, puis ensuite de se gagner. Ah ouais. Parce que l'adversaire peut pas peut pas vraiment détruire sa créature parce que. Ben, tu joues rien qui détruit des créatures, toi, Max? Aucune carte. Okay. Fait que, il a empêché le Berserk avec son Vines of Vastwood parce que c'est n'importe quelle créature. D'ailleurs, maintenant, je pense qu'ils font plus ça sur des cartes. Les nouvelles cartes qui donnent Exproof, ça donne Exproof juste à ta créature, comme Ranger Sky, je pense. Ça donne Exproof à une des créatures que tu contrôles. Mais Vines of Vastwood a cet aspect-là très intéressant. Ok, solide. Ouais, Tom Ross, il est assez. Tu vois qu'il infecte. Il sait ce qu'il fait. Il a lu. Ouais, il a lu ses cartes. Lisez vos cartes, les enfants. C'est oui, ouais, j'ai appris ça avant mes dépens à plusieurs reprises. Il y a même des très bons joueurs qui apprennent ça à leurs dépens. Ouais, des fois, ils apprennent un mauvais moment aussi. Ouais, c'est ça, mais ça, on fera pas. Non, mais on fera pas de tambour ni de trompette là-dessus. Puis toi, maintenant, tu vas jouer quand cette semaine. Ben trop blast, hein? Salut Philippe, ça va? Ouais, Philippe va éventuellement soit écouter la balado. Faut en rire. C'est peut-être trop tôt pour faire des blagues sur ça, mais faut en rire. Ah, ok, oui, je comprends que. Moi, je vais vous montrer ce que je crois jouer en fin de semaine. J'ai pas trop peur là, de me faire surveiller. Excellent. Non, avec nos zéro spectateurs en direct. Mais ça va changer, messieurs. Oui, c'est un deck de Delver, of Secrets. Mais c'est surtout un deck de Brainstorm et de Tom Cruise. OK, oui. Delver, c'est vraiment quand même assez puissant. Tu peux jouer tour 1 dans le noir, puis souvent il va survivre, puis tu vas gagner juste parce qu'il va flipper blind. Il va flipper à l'aveugle. Tu peux faire comme une passe à l'aveuglette, comme bicarbonate. Ouais. Ou comme Puis, René Bourque qui fait trop de passes à l'aveuglette. non, lui, ça marchait pas tant, ses passes à l'aveuglette. D'ailleurs, Il est vu là. il est pas mal dans les gamelles. Ouais. Parce que Delver a aussi crédit très puissant. Puis, il y a plus de punch que. Ben, je trouve que ça a plus de punch que Young Pyromancer dans le format actuel. Surtout que en jouant des trous de même Nemesis, ben, des choses comme Golgari Charm, des choses qui font moins à toutes les créatures, ça tue trous de même Nemesis. C'est vraiment le fun. Mais ça tue aussi Young Pyromancer. Fait que le fait de jouer Stoneforge Mystique, ça m'empêche de mourir complètement à des effets comme ça. Puis le deck joue des Brainstorm pour trouver la dite créature ou permettre au Delver de flipper. Puis Brainstorm, c'était avant considéré comme le Ancestral Recall de Legacy. Certaines personnes appelaient à bannir cette carte-là tellement c'est puissant. Puis maintenant, ils ont imprimé une carte qui est à toute fin pratique Ancestral Recall. Fait que. Oui, c'est ça. Donc, j'allais y venir. C'est que là, il vient d'avoir un Mais nouveau. si je, je veux juste Oui, oui. terminer, le but c'est de mettre un Delver, puis ensuite de ça, de se protéger avec Force of Will. Moi j'ai mis des Spell Pierce parce que je trouve que c'est très bon contre combo. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de combos à cause du fait que les decks. À cause de Containment Priest, je pense que les gens vont utiliser des decks combos plus orientés vers les sorts que vers. Puis en général, c'est assez bon, Spell Pierce. Je trouve. Dave, c'est vraiment bon avec Wasteland. Tu détruis de ces lands, il y a moins de mana à utiliser, puis tu peux contrer un sort pour un, mais tu peux le faire gratuitement en retournant une île dans tes mains. Donc, tu peux pas avoir l'air d'avoir un counterspell, puis sortir ça de nulle part, puis il faut qu'il paye un de plus, puis il peut pas payer, puis là tu gagnes. D'habitude, quand tu réussis à. Les gens vont jouer autour. Fait que des fois, ça va te donner un tour de plus parce qu'il ne jouera pas son sort quand il n'y a pas un mana de plus. Déjà là, c'est bon. Puis, si tu réussis à contrer un sort avec ça, tu as probablement à gagner, là. Lightning Bolt pour finir, parce que des fois, tu vas faire 12 dégâts, plus lui va se fetcher une couple de fois, il va caster Gitation Probe, ben, tu vas finir avec des Lightning Bolt. Sur du Plowshare, ça sort quand même assez souvent, là. C'est pas très bon contre les decks combo, mais c'est là pour les decks infect, Bon. surtout. Mais c'est ça, ça C'est va. ça. Parce que si t'as pas ça contre les decks infect, t'es pas mal mort. Puis pour les miroirs de Delver. Et ça, dans le fond, si, admettons là, que vous, par pur hasard, vous vous confrontez à New Jersey, selon vous, c'est quelle pile qui a l'avantage sur l'autre? Je pense que c'est pas mal 50-50, je sais pas, je vais pas tester Très, ça, mais. c'est très difficile à dire, je te dirais, parce que les deux decks ont des lignes de jeu quand même assez similaires. On met une créature, on la protège. La seule différence, c'est que, par exemple, pour le deck de Delver, il faut qu'il utilise plusieurs tours de. Il va pas me tuer en un seul tour. Tandis que moi, le deck d'Infect peut tuer out of nowhere des fois. Je peux piger la carte qui me manque pour faire le 10 de Infect que j'ai besoin et la piger et faire 10. Comme par exemple, vous parliez de Tom Ross tout à l'heure, je regardais quelques matchs aujourd'hui, puis ça y est arrivé deux, trois fois de piger la carte qui avait besoin au bon moment. Ouais. Oh, ben j'ai manqué exactement deux de dégâts, puis c'est exactement ça que ça fait la carte que j'ai là. Et voilà, c'est parti. Koum, j'ai Ouais. fait exactement 10. Moi je mets une 3-2 flyer qui vole là, pour un mana, puis lui il y a des lands qui sont entre guillemets 2-2. La seule façon que j'ai de les tuer, c'est Lightning Bolt puis Sword to Plowshare. Sinon, je peux pas vraiment interagir avec ses cartes. J'ai Wasteland aussi pour ses Inkmount Nexus. Le fait que j'ai des Wasteland pour Inkmount Nexus, ça améliore grandement, je pense, le match-up pour moi. Bleu-Rouge d'Elver en ce moment ne joue pas de Wasteland parce qu'il joue des Monastery Swiftspear qui coûtent plus de mana, c'est plus intense sur le mana que ce deck-là. Fait qu'il joue pas de Wasteland. Je pense que Bleu-Rouge d'Elver est désavantagé contre Infect, tandis que moi je pense que j'ai 50-50 là. Puis, Mais Bleu-Rouge n'a pas de Sword to Plowshare non plus pour non, gérer mes non gros plus. bonhommes. Non plus, mais ils ont Forkbolt puis Chain Ouais, Lightning. Moi, mais si par exemple il y a un instant. C'est ça, c'est que moi je peux bon grossir mes créatures avec mes sorts aussi des fois, ce qui fait que la boat n'est pas assez grosse pour péter ma créature. Ouais, Et Renaud, peut-être... Spell Pierce aussi, moi je pense que Spell Pierce, ça peut être vraiment très bon aussi contre Berserk. Ouais, en effet. Puis il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de Snapcaster Mage dans cette liste-là. Je ne sais pas, il me semble qu'au nombre de sorts qu'il y a, ça m'apparaît être une carte quand même encore bonne. Est-ce qu'elle est tombée un peu dans son impact sur Legacy? Ben, je sais pas, là, tu vois-tu ce que j'ai mis là? Où ça? Ben, le... Le True Name Nemesis? Non. Ok, t'as un peu, non. En ce moment, moi, je suis sur la même page que tantôt. Je vais te dire pourquoi. Ok. Regarde bien ça. Ah! Ah, c'est ça la raison. C'est il n'y a pas de Snapcaster Mage parce que Tom Cruise. À cause de... Ah ouais, pour vrai, c'est à ce point-là. J'exile les cartes de mon graveyard, fait que c'est vraiment efficace d'avoir des Snapcaster Mage. Je veux piger trois cartes, mais c'est meilleur. Donc, Tom Cruise, ben, Treasure Cruise, une petite commune qui vient de sortir dans Clans of Tarkir, a grandement nuit à Snapcaster Mage en Legacy, donc. Ben, ça t'enlèves les cartes de ton graveyard. Je pense pas que j'aurais joué des Snap. J'aurais peut-être joué un Snapcaster Mage. Ok. Et même là, tu veux... c'est pourtant une bonne carte. C'est parce qu'il y a des Dread Shaman. C'est joué dans plusieurs decks, puis c'est pas très bon comme Dread Shaman en partant. En fait. Non, effectivement. Ok, bon. Ben, c'est intéressant, puis ici, tant qu'on va filer vers la fin de l'épisode tranquillement, mais c'est justement, j'allais aller vers là, puisqu'on a Khans of Tarkir qui vient de sortir. Il y a certaines cartes qui font un impact, et dans le fond, dans les deux decks que vous allez jouer, il y a des cartes qui vont être représentées dans la mesure où toi, Max, tu décides de mettre des Commements dans ta pile. Finalement, il va y avoir des cartes de Khans qui vont avoir fait leur chemin jusqu'à Legacy. Est-ce que c'est bon signe, mauvais signe? Comment vous interprétez ça, la venue de cartes d'un nouveau set comme ça, direct en Legacy? Ben, c'est intéressant. C'est pas toutes les séries qui nous apportent des cartes pour le format Legacy. C'est sûr qu'on s'entend que Khans of Tarkir nous en a apporté quand même plusieurs. Là, je regardais juste les listes du top 8 d'aujourd'hui. Je vois des Dig Through Time aussi qu'on n'a pas parlé, qui est une carte un peu dans le même style que Treasure Cruise. Pour l'instant, ma liste joue deux Treasure Cruise. Je suis plus certain vraiment de la nécessité que j'en ai, mais je sais que Tom Ross en jouait dans son sideboard, donc pour les games qui sont plus longues aussi. Donc c'est sûr que je te dirais qu'au niveau de l'impact pour le Legacy, c'est vraiment Treasure Cruise qui a fait une grosse marche. C'est pas malsain pour le format. C'est sûr que ça occasionne des gros changements, par exemple, pour certains. C'est pas aussi malsain qu'en moderne, par exemple. En moderne, ouais, c'est ça, vraiment c'est... ridicule. En moderne, ils ont banni des cartes comme Ancestral Vision dès la création du format parce que ça pigeait trois cartes. Mais ça prenait quatre tours à mettre en place. Tu sais, oui, que... à cause de Suspend. Oui, c'est ça. Mais tu pouvais le cascader dedans, mais peu importe. Cet effet-là, c'est quand même très puissant, puis en moderne, c'est en train de faire pas mal plus de dégâts qu'en Legacy. En Legacy, tu peux faire de quoi contre ça. Et ce que Max vient de parler, il a parlé de Dig Through Time. Est-ce que tu as été tenté de mettre Dig Through Time plutôt que Treasure Cruise dans ton deck, Renaud? Le fait que j'ai pas vraiment besoin de sélection de cartes, a fait en sorte que ça coûte moins cher, que ça puisse juste coûter un bleu, c'était bon. Je sais que Miracle préfère jouer des Dig Through Time parce que c'est un instant, fait que ça leur permet de garder Counterspell up. Mais moi, toutes mes Counterspell, ou presque, sauf Spell Pierce, je suis capable de les caster sans mana. Okay. Donc je sais pas. Peut-être que Dig Through Time serait meilleur, en fait. Ben, la liste qui joue Dig Through Time que je te parle, c'est pas une liste de Delvar, c'est une Jeskai. C'est Miracle, non? C'est Jeskai. Ouais, qui c'est dans le fond un deck de Stoneforge, Mystique, True Name Nemesis, Vendilion Click. Tu vois, lui, il joue un Snapcaster Mage. Il joue pas Delvar, là. C'est vraiment bleu, blanc, rouge avec des Force of Will, des Lightning Bolt, des Jade, des équipements. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de cartes aussi en une ou deux exemplaires. Fait que Dictrou Time, dans son cas, est vraiment meilleur puisqu'il va chercher la carte qu'il a besoin à ce moment-là. Mm-hmm. Mais probablement que Dictrou Time, c'est une meilleure carte quand on regarde ça comme il faut. À cause de la sélection, hein. Ouais, mais c'est ça. Super, ben, mais c'est très intéressant. Est-ce que vous seriez prêt à voir une prédiction? Est-ce que c'est à ce point-là que c'est les decks qui définissent le format ou c'est plus un joueur selon vous? Est-ce que c'est qu'est-ce qui définit le format Legacy, les joueurs ou les decks ou un peu les deux? Parce que est-ce qu'il y a des joueurs qui dominent ce format-là? Ben, pendant longtemps, les joueurs dits professionnels là, comme Owen, Tofton World, puis Louis Scott Varkas, puis tout ça, mm-hmm. Ils jouaient à Legacy, oui, mais il n'y avait pas tant de joueurs professionnels que ça qui étaient vraiment bons à Legacy. Là, ça a changé dans les deux dernières années, mais avant ça, pas tant. Il y avait beaucoup d'innovation de la communauté dans ces tournois-là. Okay. Là, je dirais que c'est un peu plus figé. Là. C'est avec l'arrivée des SCG Open, ça a fait en sorte qu'il y avait beaucoup plus d'informations pour les gens pour jouer à Legacy, plus de listes connues sur Internet. Qui fait en sorte que la metagame s'est cristallisée autour des decks qu'on a mentionnés tout à l'heure, surtout. Là. Okay. Le fait que ce soit ça, mais en Legacy, je crois que le fait de savoir ses cartes, de savoir comment jouer son deck, ça l'influence vraiment beaucoup plus qu'en standard. Puis il y a pas mal plus d'erreurs possibles en Legacy que dans les formats. Je dirais ça comme standard. Ok. Donc, le joueur va faire une grosse différence en fait la semaine prochaine. Le fait de connaître comment son deck fonctionne, c'est très important. Très important. Alright, super. Ben, écoutez, messieurs, je pense qu'on va terminer notre épisode sur ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Max, encore merci. Ça va nous faire plaisir, peut-être un de ces quatre, d'être invité, surtout si, par exemple, tu gagnes le Grand Prix, qui sait. Ou... Comme après, on va essayer de jouer la deuxième journée, on verra après. Ah, ouais, c'est ça, exactement. À tout le monde, je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de Magic 101. Nous ne ferons que nous améliorer. Si vous avez des idées d'épisodes que vous aimeriez entendre, des sujets, vous pouvez nous écrire à magic101franco@gmail.com. Renaud, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Ben merci à toi, mon poulet. Ça me fait plaisir. Puis on va se revoir également. Hey, salut Maxime. La semaine prochaine. Merci beaucoup, à bientôt. Salut Max, bye.